terroir, les traditions de Camargue. Il évoque souvent les taureaux, les chevaux, les étangs, les gardians et les belles arlésiennes. Vous la connaissez par cœur en tant que Lunellois. Et après, on n'applaudit pas. On n'applaudit jamais la coupe au centre. Surtout pas. Et Louis Abric va devenir majoral du Félibrige en 1936, secrétaire de la Nation Gardienne fondée par le marquis Folco de Baroncelli et Joseph Darbeau. Le boulanger poète était aussi un militant de l'unité de la petite Camargue. Et il était vraiment désolé, il en parlait souvent, qu'en 1790, avec la création des départements, l'administration ait transformé le Vidourle en frontière entre le Gard et l'Hérault, séparant ainsi Lunel et Moguio de Sommières et d'Aigues-Mortes, une ligne de démarcation totalement incompréhensible pour lui, alors que les villages ont les mêmes traditions. Voilà donc qui était Louis Abric, qui pétrissait du pain et qui façonnait la langue. Alors bravo Léopoldine Dufour, on vous applaudit pas parce que vous êtes comme la coupe au santo, mais franchement le cœur y est. Et on peut réécouter cette petite histoire du jour en allant sur francebleu.fr. Et les petites histoires du jour, c'est aussi en direct chaque matin à 8h25 dans la matinale de France Bleu Hérault. Il est 16h18, je vous fais un tout petit point météo. Je vous rappelle cette vigilance orange pour tout l'Hérault, pluie, inondation jusqu'à demain matin, 6h. Et je vous rappelle que si vous voulez nous appeler, vous pouvez, l'antenne vous est ouverte. Si vous êtes coincé sous la pluie, si voilà, vous voulez nous raconter ça, vous nous appelez, on vous fait une petite place dans l'émission 04 67 58 6000. Et vous nous racontez ce que vous vivez en ce moment. C'est ça aussi France Bleu Hérault, c'est laisser la parole à celles et ceux qui sont sur notre territoire. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Oh, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Ce dimanche 22 octobre au Vigan, c'est la 29e foire de la pomme et de l'oignon parrainée par le lycée professionnel hôtelier Marie Curie de Saint-Jean-du-Gard. 90 producteurs, espaces de restauration, animation gratuite. Venez découvrir la nouvelle récolte de la pomme rainette et de l'oignon doux des Cévennes. Terroir, qualité, convivialité, c'est l'image du pays viganais et c'est ce dimanche au Vigan. Plus d'infos sur cc-paysviganais.fr. L'automne est la saison de l'anguille. Cet Aglopole Méditerranée met à l'honneur samedi 21 octobre à Marseillan ce poisson si savoureux. Au programme toute la journée, restauration à base d'anguilles, en persillade, en bourride, à la provençale ou bien fumée. Mais aussi des animations gratuites, promenade en bateau, démonstration sur le fumage d'anguilles avec dégustation, balade en calèche, tombola géante. La fête de l'anguille, c'est samedi 21 octobre de 10h à 21h, place du théâtre à Marseillan. Une manifestation organisée par Cet Aglopole Méditerranée. Renseignements sur aglopole.fr. Vos fins de journée avec le meilleur de la musique dans le 16-19 de France Bleu Hérault. Allez, dans quelques instants, on va recevoir Christophe Leparc de Cinémed. Mais d'abord, on va s'écouter justement un morceau qui est lié à un film, à Skyfall de James Bond. Et c'est Skyfall chanté par Adèle. Hold your breath and count to 10. Avec Skyfall, cette BO de cet incroyable James Bond de Daniel Craig, c'était en 2012 déjà, le temps passe. Allez, on va partir nous aussi sur le terrain, un petit peu comme James Bond, hein. Virginie Vives va sur le terrain quasiment tous les jours, les reportages de France Bleu Héros qui vous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui vivent, travaillent, s'investissent dans notre département. Aujourd'hui, direction la SPA, la Société Protectrice des Animaux, la SPA Montpellier Méditerranée Métropole, c'est à Villeneuve-les-Maglones et depuis le Covid, les abandons sont en augmentation, en fait la SPA est pleine, hein. Il y a beaucoup d'animaux, vous allez le voir, c'est une vraie entreprise pour soigner, prendre soin de ces animaux, les faire adopter. C'est Virginie Vives qui vous fait découvrir ça avec Nicolas Echen. On s'intéresse aujourd'hui à celles et ceux qui les soignent, ces animaux. Allez les gars, c'est une fourmilière ici, hein. Viens bébé, viens. Ça c'est Snoop. Ah c'est Snoop. C'est l'autre. Ah, ça c'est Snoop un autre. Et Snoop. Il y a Snoop et Snoop. Vous me facilitez pas la tâche, excusez-moi, mais... C'est un croisé bulldog lui. Valérie, est-ce que tu pourras amener Pirouette pour son certificat veto devant les chats malades ? Les soins des animaux sont très organisés à la SPA Montpellier Méditerranée Métropole. Chaque matin, des soigneurs font le tour des soins des animaux et transmettent les infos aux vétérinaires qui, eux, viennent deux fois par semaine. Bonjour ! Virginie Bringateau travaille habituellement à sa clinique vétérinaire à Lunel. Elle vient en moyenne une fois par mois à la SPA. Il faut se dire qu'en moyenne, un animal, il est vu par 2 à 3 vétérinaires minimum. Parce qu'entre les rappels de vaccins, la chirurgie, donc c'est ce qui est pas mal parce qu'on est une bonne vingtaine de vétérinaires. À tourner ici, là ? Ouais, c'est une SPA qui est super pour ça parce qu'on est, on a des formations, des spécialités différentes. Donc, il y a des orthopédistes, des ophtalmos, ils ont fait bénéficier aux animaux de tout ça. Donc, souvent, eux font le lien et c'est hyper important. Bien sûr. Parce que ils vont me dire, là, par exemple, là, j'ai un problème sur une mamelle d'un animal qui est un traitement a été mis en place par un confrère, et ben oui. Moi je suis là pour contrôler si ça va ou éventuellement prendre une autre décision. Ok, d'accord. Voilà. La tête de la véto se tourne car un chien avec une collerette vient d'arriver, tenu par les deux soigneurs. Il lui enlève un pansement. C'est pas mal, c'est joli. Ouais. Moi j'aurais tendance à laisser. Alors, désinfecter et laisser à l'air, ça serait peut-être. Mais Béthadine, il y a de la lustrée ? En dessous, ouais, normalement il y en a. Peut-être, non, je ne veux pas. Il n'y en a pas ? Ah, il n'y en a pas. On va mettre Béthadine et on remettra un coup de lustrée. Super. Bien. Hop là. C'est tout bon ? Allez. J'ai un collègue qui a mis en place un traitement qui c'est en train de bien évoluer, donc on poursuit le traitement, moi je contrôle. Ça a l'air très positif. Oui, c'est positif. Vous avez un cabinet, vous choisissez de venir ici ? Exactement, c'est sur la base du volontariat. Donc moi par exemple je suis vétérinaire à Lunel. Vous voyez, je suis pas du tout à Montpellier. Ah ouais ? Et on est une vingtaine de vétos dans l'Hérault. À venir, donc il y a des vétos de Montpellier, ça va jusqu'à Pignan, jusqu'à. Mais c'est pas du bénévolat. Alors c'est une partie bénévolat, il y a une petite partie rémunération, mais qui représente peut-être 30% de ce qu'on devrait, de votre taux à l'heure. Voilà, gros, exactement. On vient faire ce qu'on appelle une vacation. Il y a des tarifs nationaux, hein, pour ça. Hein. C'est pas nous qui faisons les. Bien sûr. Voilà. Pourquoi vous faites ça? C'est compliqué et à la fois tellement évident parce que ça permet de déjà c'est satisfaisant parce qu'on a l'impression de vraiment d'apporter une contribution au bien-être, aux soins des animaux. Ça nous sort de notre quotidien aussi, des cliniques un peu aseptisées. Et c'est très complémentaire parce que ça permet aussi d'avoir les pieds sur terre aussi. Je trouve que par rapport à notre mission en clinique et la mission ici, c'est pas. Voilà, je trouve que c'est sympa. Moi, j'ai. On doit retrouver le. À 5 ans, on va être vétérinaire pour soigner l'animal qu'on a vu blessé dans la rue. Moi, j'avais un père véto en rural et j'ai l'impression de retrouver un peu ce côté. On essaye de réfléchir. Mon bon père de famille, entre guillemets, quand on est ici et qu'on aime nos animaux. Voilà. Gratifiant un maximum, évidemment. Qu'on les voit après une visite d'adoption, parce qu'on fait des visites d'adoption après pour voir si tout va bien. Chez les gens, vous voulez dire ? Non, c'est les gens qui viennent. On s'engage à faire des visites gratuites. Ils doivent faire une visite d'adoption dans les 15 jours qui suivent l'adoption. Et nous, on contrôle déjà que l'animal va bien. Et on répond aux questions, souvent, il y a beaucoup de questions de la part des adoptants. Les deux soigneurs sont en train de faire signe au docteur qui repart illico s'occuper de ses animaux. Et Virginie Vivès en immersion à la SPA de Montpellier, on l'entend, il y a de l'amour pour ces animaux à la SPA. Ne ratez pas les prochains épisodes, on vous fait vivre ça toute la semaine à 7h25 et 16h20 sur France Bleu Héros. Et de l'amour, il y en a aussi avec Christophe Maé, Amadou et Mariam, l'amour. Les gens là. cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes, ça fait casser des abat-jour, ça fait stopper la cigarette, l'amour. Sur France Bleu Héros, c'était l'amour, Christophe Maé, Amadou et Mariam. France Bleu Héros, France Bleu Héros, les invités du 16-19. Le Festival Cinéma Méditerranéen de Montpellier, vous le connaissez sans doute mieux sous son petit nom, Cinémed. Ça démarre ce vendredi avec la soirée d'ouverture, le début d'une semaine gargantuesque de films, avec littéralement des dizaines de films à aller voir. Et mon invité, Christophe Leparc, bonjour. Bonjour. Directeur de ce festival. Alors Christophe, on va évoquer ensemble cette programmation hyper riche que vous avez préparée pour cette édition 2023. Mais d'abord, je voulais prendre le temps peut-être de présenter Cinémed à celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Après 45 éditions, il y en a toujours. Comment on peut définir cette idée de cinéma méditerranéen que vous mettez à l'honneur? C'est sous, d'habitude, les festivals, c'est le film de genre, film d'horreur, etc. Effectivement, il y a beaucoup de festivals qui sont thématiques. Et nous, notre seule contrainte, elle est géographique. Ce qui nous permet, à travers cette géographie du bassin méditerranéen, de donner libre cours à toutes nos envies de cinéma et de présenter que ce soit l'histoire du cinéma méditerranéen à travers des rétrospectives, mais aussi l'actualité du cinéma méditerranéen à travers les avant-premières, les compétitions et tout ce qui ne nous empêche pas par ailleurs de faire de présenter des films de genre, des films pour enfants, des films d'animation. Et en fait, la philosophie du festival serait de dire aux auditeurs, venez au Cinémed, vous trouverez toujours un film qui peut vous plaire. Il y a des films d'auteurs pointus, il y a des films des avant-premières beaucoup plus populaires avec des comédies ou autres. Et en fait, c'est vraiment un festival pour toutes et pour tous. Mais comment on fait le lien, par exemple, entre un film, il y a des films kosovars, par exemple, d'ex-Yougoslavie, il y a un film marocain, il y a des films espagnols. Comment on trouve quand même un fil rouge dans une programmation comme celle-là? C'est tous les enjeux qui touchent cette Méditerranée qui est pleine d'enjeux politiques, pleine d'enjeux sociétaux en ce moment? Oui, effectivement. Mais la Méditerranée, on va reprendre ce que disait Fernand Braudel. Il y a vraiment une identité des pays de la Méditerranée, que ce soit culturel, que ce soit culturel aussi à travers l'olivier, la vigne. Enfin, la voilà. Mare Nostrum, comme on dit. Exactement. Et puis c'est un continent liquide, la Méditerranée quelque part, qui nous relie. Et on trouve c'est amusant parce que on a retrouvé des films amateurs, donc des films en super 8, que ce soit de la rive sud ou de la rive nord, et le petit jeu, c'est de se dire, alors ça c'est où, c'est en Tunisie ou c'est à Marseille? Et en fait, il y a une confusion totale, c'est assez intéressant. Parce qu'il y a une vraie identité culturelle de cet espace géographique. C'est aussi un cinéma qui est en lien avec énormément de soubresauts, je l'évoquais. La Méditerranée, c'est des questions de migration, c'est malheureusement des pays en guerre en ce moment, c'est plein de choses comme ça. Et du coup, ça infuse à travers les films que vous choisissez. Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas un festival qui donne la parole aux réalisateurs, réalisatrices de tous ces pays, et forcément, les réalisateurs et les réalisatrices nous parlent de la condition de vie dans ces pays. Et comme c'est une zone extrêmement l'actualité est très dure, c'est riche à cet égard. C'est une zone vraiment turbulente. Forcément, ça se traduit à travers les films. Mais le plus qu'apportent les réalisateurs et les réalisatrices dans leurs films, c'est de nous présenter les choses d'une manière différente, pour nous faire réfléchir, pour nous amuser aussi. C'est très important de toujours se rappeler que le cinéma est aussi un art. Et qu'on n'est pas là seulement, il y a aussi plein de choses positives, drôles qui se passent dans ces pays et plein de choses intéressantes qui apparaissent dans ces films. Ce qui est marquant aussi, c'est la variété aussi des compétitions que vous proposez. Oui. D'habitude, les festivals, il y a 12 films en compétition, des choses comme ça. Là, il y a une compétition long-métrage, une compétition documentaire, une compétition court-métrage. On retrouve quasiment tout le cinéma, quoi. Exactement, c'est ce qu'on disait au début. Mmh. On aime toutes les formes de cinéma. Le court-métrage, ça nous permet de révéler des talents émergents et ensuite de les suivre sur le documentaire ou sur la fiction avec leur long métrage. Donc c'est vraiment une pour montrer le foisonnement de la créativité du cinéma dans la Méditerranée, que ce soit dans n'importe quel pays, parce que l'avantage du court métrage par exemple, c'est que c'est beaucoup plus facile à faire qu'un long métrage financièrement. Forcément, et pour s'en rendre compte, hein, les prix du cinéma, c'est des choses qui sont très importantes pour un film et ça peut décider de son futur. Oui, notamment l'Antigone d'Or, qui est une aide à la distribution d'un film en France. C'est-à-dire qu'un film qui sera révélé au cinéma pourra avoir une distribution classique dans les salles de cinéma en France. Voilà, c'est dit. Vous en savez un peu plus sur Cinémed. On va plonger un peu dans cette programmation. On pourra pas tout vous raconter parce que ça va prendre des heures. Sinon, voilà, 200 films. Mais j'ai fait quelques choix et on va en discuter avec vous, Christophe Leparc, juste. Volontiers. Célébrons le commerce de proximité le week-end du 20 et 21 octobre. Venez célébrer nos commerçants de proximité avec ce premier festival des commerçants organisé par Cetaglopôle avec les associations de commerçants et les commerçants. De nombreuses animations réparties sur les communes vous attendent. Braderies, défilés de mode, expositions de peintres, animations culinaires, marchés avec des animations, expositions et performances d'artistes, nocturnes des commerçants. Participez et consommez local. Tout le programme sur www.aglopole.fr. À la mer ? Déjà fait. Et un city break ? Plutôt envie de grands espaces naturels. Alors partons dans un vignoble. Ouais, bonne idée ! En Occitanie ? Du 19 au 22 octobre, vivez un fascinant week-end de festivités, de rencontres et d'expériences inédites au cœur des vignobles de la vallée du Rhône, du Roussillon, du Languedoc, du Pays d'Oc et du Sud-Ouest. Pensez au train et préparez votre séjour sur occitanie.fascinant-weekend.fr. Salon du Livre de la Grande Motte, les 21 et 22 octobre. Retrouvez le salon La Grande Motte se livre au Palais des Congrès Jean Balladur. Autour de Bernard Werber, invité d'honneur, plus de 20 auteurs seront présents, dont Jean-François Kahn, Irène Frein et Boris Cyrulnik. Dédicaces, rencontres, spectacles, concerts, expositions. Rendez-vous de 10h à 18h30, les 21 et 22 octobre, au Palais des Congrès de la Grande Motte. Entrée libre. Programme complet sur lagrandemotte.fr. Du 20 septembre au 22 octobre, France Bleu fait sa tournée des marchés. Retrouvez-nous ce jeudi 19 octobre, au cœur du marché de Lunel. Au menu, des produits locaux de saison et beaucoup de bonne humeur. Et vivez avec nous un défi lancé à notre chef, cuisiné en direct et uniquement avec des ingrédients achetés sur place. La tournée France Bleu des marchés, toutes les villes, toutes les dates sur francebleu.fr. Retrouvez la tournée des marchés avec Domitis. Plus de 150 résidents de services seniors partout en France à découvrir sur domitis.fr. Et on fait un petit point sur le trafic. Pour l'instant, c'est fluide. Peu de monde sur les routes. Je vous rappelle cette vigilance orange de l'Hérault, le Gard, l'Ardèche et la Drôme pour les pluies, inondations jusqu'à demain matin 6h. Donc soyez prudents ou prudentes si vous prenez la route. D'ailleurs, si jamais vous êtes sous l'averse ou si vous avez besoin de nous en parler, vous nous appelez 04 67 58 6000. Et là, dès maintenant, on vous fait une petite place pour nous raconter ce que vous vivez. C'est aussi ça, France Bleu. Je vous signale juste un petit ralentissement. C'est à Montpellier. C'est l'avenue de la Liberté. Vous perdez 5 minutes quand vous allez en direction de Juvignac. Et j'en ajoute un autre qui vient d'apparaître, c'est la D912, assez classique. Quand vous allez vers Vias depuis Agde pour traverser le pont sur l'Hérault, vous perdez 6 minutes. Le 16-19 de France Bleu Hérault. Le 16-19 de France Bleu Hérault. On va parler cinéma. Christophe Leparc est toujours avec nous sur France Bleu Hérault, directeur de ce festival Cinémed. Ça démarre ce vendredi à 20h, soirée d'ouverture. Et justement, je voulais en parler de cette soirée parce qu'il y a eu un choix particulier. Souvent, les films d'ouverture, c'est le gros film du moment, des fois une très grosse production américaine. Là, c'est un film d'animation. Il s'appelle The Shot the Piano Player. Voilà. L'histoire d'un journaliste new-yorkais qui part sur les traces d'un virtuose du piano disparu. C'est un vrai choix, cette ouverture, de mettre en avant l'animation. Bah, on aime bien un peu surprendre le spectateur à l'ouverture, faire des choix un peu osés. Mmh. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on va présenter un film d'animation en ouverture. Oui, c'est ça. J'ai vérifié, ça n'avait jamais été. Ça n'est jamais arrivé. Alors, c'est un film de deux réalisateurs espagnols, Fernando Trueba et Javier Mariscal, mais c'est l'histoire d'un pianiste brésilien disparu au moment de la dictature argentine en 1976 pendant une tournée. C'est une histoire vraie. Et c'est une histoire vraie qui nous emmène sur le chemin des plus grands musiciens brésiliens. Mais on a aussi fait ce choix pour montrer combien la région, la métropole de Montpellier, était dynamique en matière de cinéma et d'audiovisuel. Parce que ce film est coproduit par une société de production montpelliéraine, les Films d'ici Méditerranée, et a été fabriqué en partie à Montpellier, dans des studios de post-production. Et tout ça, c'est aussi pour souligner combien la région monte en puissance en termes de production audiovisuelle. On a vu les studios de France Télévisions se créer, etc. Et donc, c'est un coup de chapeau à la montée en puissance de l'audiovisuel dans l'Hérault. Oui, ça donne très envie d'aller voir ce film avec une animation très particulière et qui est vraiment marquante. C'est un kiff absolu termes de musique. Et on peut rencontrer d'ailleurs, les deux réalisateurs, ils seront samedi, le Cinémède à Montpellier. Voilà. On trouve aussi des grandes avant-premières. C'est souvent ce qui marque aussi le Cinémède, avec des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des réalisatrices. Avec par exemple Le Temps de s'aimer, c'est de Catel Chilévéré. C'est ce samedi à l'Opéra Berlioz. Et là, la réalisatrice sera présente. Oui, Catel Chilévéré, qui avait fait l'ouverture du Cinémède avec son film précédent. Elle revient avec un film qui se passe au lendemain de 1947, de la Seconde Guerre mondiale. Une très belle histoire d'amour un peu contrariée entre Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste. Je vous laisse, c'est un film très très profond, très très juste. On n'a jamais vu Vincent Lacoste aussi dans ce genre de rôle. C'est venez les yeux fermés. Enfin, ouvrez-les pendant la séance. C'est mieux, c'est plus sympa. Autre rendez-vous que j'ai noté, c'est la projection lundi prochain, toujours à l'Opéra Berlioz, de Comme un prince. Et cette fois-ci, c'est l'humoriste Ahmed Silla qui sera présent, qui est, on va dire, une star des jeunes. Ah oui, oui, oui. C'est le premier film de ce réalisateur, Ali Mariar. Et c'est un film. Alors, il lui-même a réalisé beaucoup d'épisodes de la. La série avec Jonathan Cohen. La flamme ou le flambeau. Pardon. C'est un. D'ailleurs, Jonathan Cohen joue dans le film. Jonathan Lambert, Ahmed Silla est là. Donc, on retrouve toute la. Comédie, mais c'est une comédie sociale d'une grande générosité sur le combat contre le déterminisme social et sur cette notion de transmission très importante qu'on retrouve dans beaucoup de films de cinéma. Beaucoup de films de cinéma de cette année. Et Ahmed Silla sera là avec les autres comédiens, Mallory Vanek et Julia Platon. Donc venez les rencontrer, il y aura une discussion à la fin de la projection. Oui, il y a toujours cette possibilité vraiment d'être tout proche et d'avoir de réduire la distance. Exactement, c'est une des caractéristiques de Cinémède, c'est de prolonger à chaque fois les projections par un dialogue, par une interpellation, par un partage commun de l'expérience cinématographique avec les équipes de films. Voilà, je précise d'ailleurs que sur France Bleu Héros, dans ce 16-19, on vous offre des places pour ces deux films toute cette semaine. Alors n'hésitez pas à jouer avec nous parce que je crois que c'est à voir forcément. J'en ajoute un dernier, Nicolas Duvauchel, il sera mercredi 25 octobre à Montpellier pour les Rois de la Piste cette fois-ci. Ah ça, les Rois de la Piste aussi, faut pas rater. Ça vous a plu, j'ai l'impression. Mais oui, Fanny Ardant, Nicolas Duvauchel, Laetitia Deutsch, Mathieu Kassovitz, toute cette bande de comédiens, on sent dans le film combien ils ont pris du plaisir à jouer et comment ils nous transmettent ce plaisir. C'est vraiment une comédie autour d'une famille de branques qui n'arrête pas de faire des coups. Et encore une fois, tout comme Vincent Lacoste, là, Nicolas Duvauchel, vous ne l'avez jamais vu comme ça, venez le voir. Et ben voilà, donc avec ça, vous avez déjà trois grands rendez-vous, plus le film d'ouverture. On va continuer à vous proposer toutes ces possibilités qu'offre Cinémède jusqu'au 28 octobre. Ce sera après Léa de Louise Attaque. Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste, elle est pas seule sur Terre, elle est pas commode, non, elle est pas commode, elle est pas froide. Elle est pas chiotte pour une nuit réaliste. Elle est pas créditeur. Elle est pas méchante. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est chiante. Léa, elle est pas intérimaire. Elle est pas comme ma mère. Elle est pas sagère. elle est pacifiste, elle est pas d'accord, elle est passionnée, elle est pas fut-fut, ou elle est pathétique, elle aime pas tout mythique, elle est pas solitaire, elle est pas solidaire, elle est pas récieuse, elle est pas réciproque. Elle est pas en cloque, elle est pas de la région PACA, ouais, la case envolée. Léa, les parisiennes, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas toujours drôle, elle est pas libre, elle est pas tentée, elle est paternaliste, elle est pas inspirée, elle est patiente, elle est pas sticheuse, elle est pas cible, elle fait pas la politique. Léa, les parisiennes, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite, elle a pas volé. Elle est pas zinchot, elle est pas stand, elle est pas stable, elle est pas stable, elle est pas partout, elle dit qu'elle partira, ou elle est même pas venue, elle est partisane, elle est pas papa sortable, et ça joue les papas déjà dit qu'elle est parisienne, quelle parisienne, elle est pas terroriste, elle est pas terroriste. Parisienne, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Louise Attaque avec ce morceau mythique Léa sur France Bleu Héros. Il est 16h49, je suis toujours avec mon invité, on continue à faire un tour dans cet incroyable programme de Cinémède, le festival du cinéma méditerranéen. La 45e édition commence ce vendredi, ça dure jusqu'au 28 octobre. Il y a des films de 10h du matin jusqu'à minuit, voire des fois toute la nuit, on va vous en parler. Un des moments importants, Christophe Leparc, c'est toujours un moment important de Cinémède, c'est le choix de votre rétrospective. Vous en faites toujours une très grande à chaque fois. Et cette fois-ci, c'est un grand monsieur du cinéma italien, Ettore Scola, qui est à l'honneur. Est-ce qu'on peut redire en deux mots qui c'est et pourquoi ce choix cette fois-ci? Ettore Scola est un réalisateur qui est arrivé après la génération Fellini, Visconti, Monicelli, qui s'est d'abord essayé au scénario et a écrit beaucoup de comédies italiennes. Et puis, il est passé à la réalisation, notamment à la demande de Vittorio Gassman. Et c'est... C'est un réalisateur qui est venu quatre fois au Cinémède, mais nous lui avons jamais consacré une grande rétrospective. Je précise qu'il est décédé en 2016. Hein. Voilà, il est décédé en 2016. C'est pas moins de 24 films d'Ettore Scola qu'on va passer. Alors, vous connaissez certainement les chefs-d'œuvre Affreux, sale et méchant, Une journée particulière où nous nous sommes tant aimés. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de films à découvrir ou à redécouvrir pour s'apercevoir combien Ettore Scola était une personne généreuse. C'était un membre du Parti communiste italien, très engagé. Dans une époque, c'était ça voulait dire quelque chose d'être un parti communiste. Oui, et d'ailleurs, les lendemains qui déchantent du Parti communiste, ça se voit à travers tous ces films après, dans les années 90. Quoi, la désillusion, un monde qu'on voulait changer, et c'est le monde qui nous a changé. Donc une exposition qu'on peut voir dans le Corum. Voilà, et plein de films du coup qui sont tous ces films quasiment. Oui, il y en a 24 sur 28. Donc c'est pas mal. Si vous les voyez tous, vous venez nous voir, on vous fera un badge. Et surtout dans des copies restaurées la plupart du temps, donc des très belles copies, c'est pour retrouver toute l'atmosphère de ce cinéma italien. Totalement différent. Maintenant, c'est vendredi 27 octobre avec cette nuit en enfer, je l'ai noté, un marathon de films d'horreur de 20h jusqu'au petit matin au cinéma cinéma Utopia à Montpellier. Il y a marqué que c'est interdit, je crois, au moins de 16 ans. Donc, être un peu près. Oui. Ça, c'est un plaisir que vous faites aux fans de cinéma, ces sortes de nuits, on binge comme ça. Ah oui. Et puis, on vient déguisé. C'est un peu le Rocky Horror Picture Show. Ouais. On fait des prémices un peu au quorum avant. Trois séances de cinéma fantastique pour habituer les gens à passer la nuit ensuite. Voilà, pour les préparer. On chauffe et après, c'est une nuit ensuite. Il y a des films d'horreur de Dario Argento, des grands noms comme ça, du film d'horreur qui sont à découvrir. Et je voulais terminer par une dernière chose, Christophe Leparc. Quelque chose qui me semble important dans le contexte actuel. Une sélection de films que vous avez consacré à deux grands acteurs palestiniens, un père et son fils, hein, Mohammad Bakri et son fils Saleh Bakri. Je me doute que vous l'avez décidé bien avant les événements qui ont marqué Israël et la Palestine ces derniers jours, mais ça prend une ampleur particulière dans le contexte actuel. Oui, je crois que le cinéma va permettre aussi d'avoir un recul par rapport à l'actualité trop à chaud et que les films dans lesquels Mohamed et Saleh Bakri jouent en disent beaucoup sur cette zone géographique extrêmement complexe, brûlante, complexe. Je dois dire que le premier film de Mohamed Bakri en tant que comédien, c'est Anaka de Costa Gavras, et Costa Gavras viendra dimanche pour présenter une copie restaurée d'Anaka, et on dialoguera avec Mohamed Bakri, qui malheureusement, on vient de l'apprendre, ne pourra pas être là, puisqu'il n'y a plus de vol entre Tel Aviv et la France. On fera un zoom, on essaiera toujours de maintenir cette parole qu'on veut faire perdurer des artistes venus de la Méditerranée. Oui, même dans les moments les plus difficiles, on entend la parole de celles et ceux qui créent de la culture. Oui, exactement, on avait ça, initié ça pendant la période du Covid, et là on continue. Merci beaucoup Christophe Leparc d'être venu nous présenter tous ces petits extraits de cette super programmation. Vous la retrouvez en intégralité sur le site de Cinémed. Il y a aussi un très très beau programme avec une magnifique photo d'affiche d'une, cette jeune fille là qui regarde par la fenêtre. Ah oui, on n'a pas parlé des réalisatrices catalanes. Oui, c'est vrai. C'est tiré d'été 93. J'allais vous dire qu'on pouvait en parler des heures et ça tombe bien, on va avoir des heures pour en parler. On sera lundi et mardi pour deux émissions spéciales Cinémed en direct du festival de 16h à 19h. Donc je pense que là, on aura le temps d'en parler avec vous et avec tous les acteurs et actrices de Cinémed. Merci beaucoup. Il est 16h53. Sur France Bleu Héros, c'est l'heure de prendre votre téléphone car on vous fait gagner des places justement pour Cinémed. Vous m'appelez 04 67 58 6000, vous répondez à une simple question et vous gagnez des places pour donc cette projection du Temps d'aimer samedi 21 octobre à 18h avec Vincent Lacoste, avec Anaïs de Moustier. Il y aura Catel qui les verrait, la réalisatrice qui sera présente. C'est à l'Opéra Berlioz au Corum à Montpellier. Je vous donne la question, parmi les acteurs du Temps d'aimer, il y a Vincent Lacoste, hein, il enchaîne maintenant les films depuis plusieurs années. Mais quel film l'a révélé au grand public? Est-ce que c'est Les Beaux Gosses ou est-ce que c'est le Roi Lion? Voilà, c'est pas hyper compliqué, je vous attends au standard. 04 67 58 6000. On écoute Christophe Willem, Je tourne en rond. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants, seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi, j'oublie mon rôle sans toi, et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Parti cheveux en bataille, comment je déraille, comment je perds mon sang, froid en un instant. Tire-moi autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï, et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. Et voilà, Christophe Willem sur France Bleu Héros. Dans quelques instants, ça va être les infos de 17h, mais pour l'instant, on va jouer un peu ensemble. Il est 16h57 sur France Bleu Héros. Vos places pour tous les événements du département. Tous les événements du département. Dans le 16-19 de France Bleu Héros. Alors, je dois vous le dire, je suis un peu triste. Personne m'a appelé pour voir ce superbe film, Le Temps d'aimer. C'est samedi 21 octobre à 18h à l'Opéra Berlioz du Corum. Alors, je vous donne quand même l'info, hein, et comme ça, je vous ai posé une question, je vous donne la réponse, c'est toujours bien. Ce film qui a révélé Vincent Lacoste, c'était bien sûr Les Beaux Gosses, hein, ce film de Riyad Satouf, assez incroyable et très très drôle si vous l'avez jamais vu. Si jamais vous avez raté ce moment, n'hésitez pas, vous pouvez appeler 04 67 58 6000. Il y a Domi qui vous attend au standard, vous l'appelez, vous lui dites que vous avez envie d'aller voir ce film Le Temps d'aimer, samedi 21 octobre à 18h à l'Opéra Berlioz, et vous gagnez des places. Il y a aussi des places pour plein d'autres films, on va vous en faire gagner un peu plus tard, tout à l'heure. On va peu à peu retrouver les informations. D'abord, je vous rappelle cette vigilance orange, hein, jusqu'à demain, 6h du matin, vigilance pluie et inondation sur le Gard, l'Hérault, l'Ardèche. Alors, soyez prudentes et prudents jusque-là, si vous prenez la route notamment. Et n'hésitez pas, si vous voulez témoigner, venir nous raconter peut-être l'averse qui vient de passer chez vous, peut-être ce moment que vous avez vécu des fois dessous, vous nous appelez, on vous ouvre l'antenne 04 67 58 6000. Dès que vous appelez, on vous fait une petite place et voilà, c'est pour vous. Vous êtes en direct à l'antenne de France Bleu Hérault. Du 20 au 28 octobre, la plus belle fête du cinéma dans l'Hérault est de retour pour sa 45e édition. Le Cinémed vous emmène pour un voyage en images dans toute la Méditerranée. Des films en compétition, des courts-métrages, des documentaires, des avant-premières, des hommages, des films pour tous, du rire aux larmes, de la révolte aux frissons. Retrouvez le programme complet sur cinémed.tm.fr et suivez la 45e édition à l'écoute de la radio partenaire France Bleu Hérault. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Le musée de l'Odève prend les couleurs du Brésil. Une grande exposition de peinture à ne pas rater dans un musée qui sait toujours nous surprendre. Vous découvrirez une collection exceptionnelle d'art brésilien du XXe siècle, très rarement exposée sous nos latitudes. Une cinquantaine d'artistes, autant de femmes que d'hommes. Un art joyeux et coloré, libre et inventif. Un merveilleux voyage à la rencontre des multiples facettes de l'identité du Brésil. Brésil Identité, c'est en ce moment au Musée de l'Odève. Plus d'infos sur museedelodeve.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Héros. Et il est tout pile 17h sur France Bleu Héros. Un point rapide sur le trafic, hein. Ça roule plutôt bien. On sent que vous n'avez pas trop pris la route avec cette vigilance orange et c'est peut-être le plus prudent. Je vous signale quand même ce ralentissement à Montpellier, avenue de la Liberté. Vous perdez 5 minutes en direction de Juvignac. Et du côté du GGL Stadium, hein, dans le quartier Ovalie, vous perdez là 6 minutes lorsque vous vous dirigez vers le centre-ville de Montpellier. Je vous signale aussi ces travaux à Maraussan, D612. Voilà, c'est un élargissement de la 2x2 voies. C'est fermé, il y a des déviations et souvent ça bloque un peu. La météo avec vous, Léonie Cornet. Des nuages, beaucoup de pluie un peu partout dans le département. L'Hérault, le Gard, l'Ardèche et la Drôme sont toujours en vigilance orange. Pluie, inondation jusqu'à demain matin 6h. Les températures restent douces pour la fin de journée. 19 à Lodève et Montpellier, 20 à Agde, Lunel et Béziers, 21 à 7. L'épisode Cévenol se poursuit encore ce soir et jusqu'à demain matin. Dans la soirée, attention aux orages qui peuvent éclater par endroits avec 80 à 100 mm de pluie attendue. Le vent souffle fort. Là où les averses sont les plus intenses, c'est dans l'ouest du département, du côté de l'Odève, mais aussi sur les reliefs au nord de Ganges. Cela devrait aussi s'intensifier ce soir dans le nord montpelliérain. Prudence donc, on l'a dit, si vous devez prendre la route, la chaussée risque d'être glissante. Et un rassemblement a eu lieu à Montpellier cet après-midi pour rendre hommage à Arbulon. Ce jeune Albanais de 22 ans est mort de plusieurs coups de couteau devant sa compagne enceinte et sa fille de 1 an. La famille et les amis se sont réunis avenue de l'Odève à Montpellier, là où est mort le jeune homme, Soumia, son épouse. Il vendait pas de la drogue, il a jamais fumé, il a jamais bu. Il a jamais rien mis dans sa bouche. Il a jamais eu des fréquentations malsaines. À chaque fois qu'il voyait quelqu'un fumer ou quoi, il aimait pas ça. Il a menacé sa fille. C'était au téléphone. Il lui a dit, tu me dis ça en face, on ne touche pas aux enfants des gens. Et quand il est venu, le garçon, je ne sais pas, il avait changé de tête. Même nous, on ne le reconnaissait plus. Comme s'il était dans un état où il n'avait plus de cœur, plus d'âme, rien du tout. Il n'a même pas eu le temps de parler qu'il a déjà planté. Je pensais que c'était quelque chose qui n'arrivait jamais à nous, qu'aux autres, que des choses qu'on voit dans la télé. Là, en fait, je me sens vide, comme si c'était moi qui étais morte. Je me dis, je suis en train de rêver, c'est un cauchemar, tout ce qui se passe. C'est pas vrai, je réalise pas. Je me dis, il est chez sa mère à Cannes, il travaille, il va me rappeler bientôt, mais rien. L'auteur des coups a été interpellé en Espagne 10 jours après l'agression. Au moins 350 personnes ont perturbé les minutes de silence en hommage à Dominique Bernard, professeur tué à Arras par un ancien élève. Le bilan est donc revu à la hausse. Hier, Gabriel Attal parlait de 179 contestations. Les obsèques du professeur de français ont lieu demain à Arras en présence d'Emmanuel Macron. Le prêt à taux zéro s'élargit en France. À partir de 2024, 200 nouvelles communes sont éligibles, dont 4 dans l'Hérault, Béziers, Valras-Plage, Clermont-l'Hérault et Pézenas. Le prêt sera aussi plus généreux pour les ménages modestes et pour la première fois, les classes moyennes pourront être éligibles. Le prix de l'essence dans les stations Total Energy ne dépassera pas les 2 euros le litre en 2024. Le plafonnement à 1,99 est donc maintenu, promet le ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin. Les supporters du club de foot de Montpellier interdits de stade à Nantes dimanche. Le préfet de Loire-Atlantique a pris un arrêté compte tenu des contentieux chroniques qui opposent les deux clubs depuis plusieurs années. Des heurts réguliers à chaque rencontre entre les supporters. Les derniers en date au mois de mai à Nantes. 80 supporters ultra de Montpellier s'étaient rendus au local des Nantais avec des battes de baseball et des bâtons pour en découdre. Une centaine d'ultra nantais avaient tenté de se venger en attaquant le bus des Montpelliérains à l'arrivée au stade. Nantes-Montpellier, c'est dimanche à 15h à vivre en direct sur France Bleu Hérault. Et puis le Montpellier Handball joue au Danemark ce soir face au club de GOG. 5e journée de Ligue des Champions. Les Danois sont 4e du classement, les Montpelliérains 6e. De fortes pluies partout dans le département, Martin Baudrero, surtout du côté de l'Odève. Et oui, du côté de l'Odève et aussi sur les Hauts-Cantons et dans l'ouest du département, dans la soirée des orages vont aussi éclater 80 à 100 mm de pluie attendue par endroit. Le vent souffle, lui, d'ailleurs, de la fenêtre du studio, je vois les arbres bouger, ça souffle à Montpellier, mais ça souffle aussi dans l'est du département avec 55 km/h qui peuvent être atteints à Lunel. Les températures pour la fin de journée restent assez élevées, 19 à l'Odève et Montpellier, 20 à Agde, Lunel et Béziers, 21 à 7. La météo 100% locale avec l'aéroport de Montpellier Méditerranée. Des destinations françaises, européennes et méditerranéennes à découvrir. Informations sur www.montpellier.aéroport.fr. Jusqu'à 18h sur France Bleu Hérault. Jusqu'à 18h sur France Bleu Hérault. Le grand agenda. Et on veut vous donner les meilleurs plans pour sortir dans notre département. C'est la mission qu'on s'est fixée sur France Bleu Hérault jusqu'à 18h. Je vous ai choisi des concerts, des visites, des festivals. Vous n'aurez donc plus aucune excuse pour rester à la maison, même s'il pleut. Même s'il pleut, vous devez sortir, on vous l'ordonne. François-Nicolas va nous parler dans quelques instants du fascinant week-end vignoble et découverte en Pic Saint-Loup. Ça démarre un peu partout jusqu'à dimanche et particulièrement dans l'Hérault avec l'appellation Pic Saint-Loup. On va aussi vous raconter l'histoire d'un morceau collector de la playlist de France Bleu. Je crois que ça sera la grande Céline Dion. Et installez-vous bien, c'est le grand agenda sur France Bleu Hérault. On est ensemble jusqu'à 19h et ça commence par de la bonne musique de Palmas. J'en rêve encore. Le 16-19 de France Bleu Hérault. Le 16-19 de France Bleu Hérault. Ici, on ne parle que de notre département. plus rien sentir. Inconscient minéral, plus le moindre désir, plus de peur ni de mal. Oh, et même si je m'améliore, oh, j'en rêve encore, même en sachant que j'ai tort. Gérald de Palmas sur France Bleu Héros. Ces gens rêvent encore, faut en profiter. Hein. Gérald de Palmas, je vous rappelle, début octobre a annoncé la fin de ses concerts à cause d'un problème de voix récurrent. Mais vous pouvez toujours le retrouver quand même, bonne nouvelle, sur un album qu'il vient de faire qui s'appelle Sous un soleil de plomb. Allez, il est 17h09 sur France Bleu Héros. C'est l'heure de l'agenda, de vous donner un peu les meilleures sorties de cette fin de semaine. Et je commence par vous recommander un spectacle de cirque. C'est au Domaine d'Eau à Montpellier, tous les soirs, hein, globalement, jusqu'à dimanche. Ça s'appelle Tercès. C'est Johan Le Guillem qui est sur scène. Hein. Il fait partie de ces artistes qui ont vraiment révolutionné les arts du cirque. Au Chant du Sapiteau, c'est un équilibriste, il multiplie les défis à la gravité avec de l'eau, des morceaux de bois, des cordes, il fait même des défis d'équilibre avec des morceaux de papier. On écoute un peu l'ambiance que ça donne. Voilà, vous voyez cette ambiance un petit peu sombre, hein, un univers troublant, mental et physique semé d'embûches, de surprises. C'est assez fascinant. Il y a déjà eu deux représentations en fait, hein, lundi et mardi. Et on nous souffle que les spectateurs et spectatrices sont sortis conquis. Alors tentez votre chance. Deux autres rendez-vous maintenant, on en parlera plus longuement demain avec mon invité dans le 16-19. Mais je vous le glisse dans l'oreille dès aujourd'hui. Ce week-end, c'est le Centre des Monuments Nationaux qui organise l'événement Monuments Jeux d'Enfants. C'est un week-end d'animation pour accueillir les plus jeunes dans les musées français. Et dans l'Hérault, c'est l'Oppidum dans ses ruines qui propose des ateliers avec notamment une initiation à la construction en terre crue. C'est pour les plus jeunes, mais c'est aussi pour les adultes. Ça se passe samedi 21 et dimanche 22 octobre à Anse-et-Runes à 10h30 et 14h30. Bonne nouvelle, comme tous les ce que font les musées nationaux, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Dernier rendez-vous, le Festival de clarinette de Montpellier vous propose un concert à ne pas manquer. C'est samedi 21 octobre 2023, là ce 21 octobre, à Montpellier. C'est le clarinettiste baroque Angelo Litrico qui sera à l'honneur. C'est à 19h à la Maison des Chœurs, c'est place Albert Ier à Montpellier. Il sera avec la contralto Antea Pichanik. C'est à 19h et à 16h30, il y a un atelier où vous pouvez rencontrer Angelo Litrico, discuter avec lui. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec les artistes qu'on a la chance d'écouter. En parlant d'artistes qu'on écoute, on va écouter tout de suite Mieux Comme Ça, Stéphane Petit K, 17h12 sur France Bleu Héros. J'ai commencé par enlever ta photo qui s'affichait au-dessus de ton numéro. Où t'avais ce sourire subtil, moitié de face, moitié de profil, prise au hasard dans ce resto. Il m'a fallu ôter ma bague, passer l'or de tes plans de drague. T'avais fini par me séduire de ces longues heures et de ces fous rires et tes regards entre deux blagues. Mais... les jours ont filé en moins de deux. La flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça? C'est fou, mais partout je passe, je peux encore te suivre à la trace. Chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, je ressens ton reflet dans la glace. J'ai encore tes graines dans mes placards, tes laines dans mes armoires, tes crèmes dans mes tiroirs, tes scènes dans ma mémoire et tes peines dans mes cauchemars. Les jours ont filé en moins de deux. La flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas moi. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas, je te dis. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais rien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas. Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Stéphane Petitcas, mieux comme ça sur France Bleu Héros, il est 17h14. Le 16-19 de France Bleu Héros, le 16-19 de France Bleu Héros, le grand agenda. Et à l'affiche aujourd'hui de l'agenda, c'est ce rendez-vous fascinant week-end vignoble et découverte. Il a lieu un peu partout en France et donc il a lieu dans l'Hérault forcément. François Nicolas nous emmène au cœur des vignobles du Pic Saint-Loup. Pour cet événement qui démarre demain jusqu'à dimanche. Bonjour José Gaillard. Bonjour. C'est vous qui êtes en charge de l'organisation du fascinant week-end vignoble et découverte dans la région du Pic Saint-Loup. Première question, c'est quoi le fascinant week-end vignoble et découverte? C'est un événement national qui est proposé par les destinations qui sont labellisées vignobles et découvertes, c'est-à-dire des territoires à la fois viticoles et touristiques. Donc c'est des territoires qui se sont organisés pour vous proposer une sorte de journée du patrimoine, on va dire, mais dédiée, consacrée au patrimoine viticole et à la découverte des vignobles et du vin. Ce fascinant week-end vignoble et découverte commence demain et ça se déroule jusqu'à dimanche. Ce sont donc 4 jours d'animation pour découvrir les vignobles et domaines viticoles du Pic Saint-Loup. Animation que vous voulez familiale, ça n'est pas réservé qu'aux grands qui veulent découvrir les vins du territoire. Exactement, on en a vraiment pour tous les goûts. On a une proposition dans un domaine, au Château Boissé à Valfenès par exemple, qui propose des dégustations autour des arômes. Donc il y a des activités aussi ludiques qui sont dédiées aux enfants. Comme ça, les familles peuvent également venir. Alors parmi les animations proposées, des dégustations de vin, c'est un peu l'idée de base. Mais on va aussi pouvoir se balader dans les domaines du Pic Saint-Loup et notamment découvrir les secrets de la vallée de la Buège. J'ai noté aussi que l'on va pouvoir faire de la e-trotte dans les vignobles. En gros, on se balade en trottinette, c'est ça? Exactement. On a donc les professionnels qui vous ont concocté des propositions, des expériences nouvelles. Donc avec une balade en trottinette, on arrive dans le domaine viticole et puis on fait une petite visite avec le vigneron et ensuite on arrive à l'ombre de la chênerie dans un hébergement avec une petite dégustation, des jeux, également un petit quiz avec une possibilité de gagner un séjour spa dans ce gîte. Et cette balade en trottinette, c'est donc samedi à 11h à Saint-Bosile-de-Montmel. Autre animation qui a attiré mon attention, cette fois autour du patrimoine, la visite de la verrerie de Couloubrine à Ferrières-les-Verreries. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le lieu ? Oui, alors c'est une ancienne verrerie qui a été rénovée il y a quelques années. L'idée, c'est de vous raconter un peu l'histoire des gentilshommes verriers, qui est une histoire vraiment particulière de notre territoire. Et on a souhaité à la fois évoquer ce passé très riche et très intéressant par l'intermédiaire de Léa, qui est passionnée et passionnante, et de terminer ensuite par une dégustation de vin par Noël, des pépites de Noël. Donc vous seront proposés les vins des vignerons de l'appellation Pic-Saint-Loup qui sont situés autour de la verrerie. Et rendez-vous dimanche à 16h à Ferrières-les-Verreries. Le Pic-Saint-Loup, c'est l'un des territoires forts de la viticulture dans l'Hérault, avec quatre appellations pour le même territoire. L'AOP Pic-Saint-Loup, l'AOP Languedoc, l'AOP Languedoc-Gré de Montpellier et l'AOP Terrasse du Larzac. Dans un cadre naturel incroyable, il faut le rappeler. Tout à fait, on a vraiment la chance d'avoir à proximité de Montpellier des paysages sublimes, variés. Vous avez la partie Gorge de l'Hérault avec l'appellation Terrasse du Larzac qui a vraiment une spécificité en termes de paysage et de climat. Et on a vraiment aussi une spécificité autour de l'appellation Pic-Saint-Loup avec le fameux Pic-Saint-Loup, l'Hortus, qui est un peu l'image et le symbole de notre territoire. C'est vrai que le Pic-Saint-Loup et le Cos de l'Hortus, ce sont des images que l'on voit à chaque fois que l'on évoque le territoire du Pic-Saint-Loup. Exactement, on peut faire tout le tour du territoire et on a des panoramas très riches, très variés. On n'a jamais la même vue sur le Pic et l'Hortus en fonction de là où on est. Le fascinant week-end vignoble et découverte en Pic-Saint-Loup, ça se passe à partir de demain jusqu'à dimanche. Vous avez toute la programmation sur le site de l'Office de tourisme du Pic-Saint-Loup. Merci José Gaillard et bon week-end œnotouristique. Merci aussi. Et n'hésitez pas, il y a vraiment plein d'événements pour ce week-end en Pic-Saint-Loup. Et d'ailleurs, je vous en donnerai un autre tout à l'heure dans l'agenda. Et vous retrouvez tout, hein, les à l'affiche dans l'Hérault de François Nicolas sur francebleu.fr et l'application smartphone ICI. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait le plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs, pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique, à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. L'automne est la saison de l'anguille. Cet Aglopole Méditerranée met à l'honneur samedi 21 octobre à Marseillan ce poisson si savoureux. Au programme toute la journée, restauration à base d'anguilles, en persillade, en bourride, à la provençale ou bien fumée. Mais aussi des animations gratuites, promenade en bateau, démonstration sur le fumage d'anguilles avec dégustation, balade en calèche, tombola géante. La fête de l'anguille, c'est samedi 21 octobre de 10h à 21h, place du théâtre à Marseillan. Une manifestation organisée par Cet Aglopole Méditerranée. Renseignements sur aglopole.fr. Vos fins de journée avec le meilleur de la musique dans le 16-19 de France Bleu Hérault. Allez, dans un instant, je vous fais gagner des places de cinéma à Béziers au 04 67 58 6000. Mais pour l'instant, ça va être Pink avec Just Give Me a Reason. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep, peut apprendre à s'aimer encore. Just Give Me a Reason, Pink sur France Bleu Héros. Remportez vos places de cinéma avec France Bleu Héros. Au 04 67 58 6000. Allez, dans un instant, vous m'appelez 04 67 58 6000. On joue ensemble, vous répondez à une question, je vous promets, hyper simple. Et vous gagnez votre place de cinéma à Béziers. C'est au cinéma Mon Ciné à Béziers. Deux invitations. Vous m'appelez 04 67 58 6000. Alors, je vous donne la question. Le tout nouveau film du mythique réalisateur américain Martin Scorsese sort aujourd'hui au cinéma. C'est avec Leonardo DiCaprio notamment. Alors, est-ce qu'il se nomme Killer of the Flower Moon? Sacré nom. Ou bien Taxi Driver? Vous avez la réponse, je pense. Vous me la donnez. 04 67 58 6000. Ce sera juste après Nuit incolore avec Dépassé. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air. Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre tant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent. Ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Tarder les larmes est une solution. Je deviens l'ennemi de ma raison. Je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres. Je suis séduit par les fausses. Séduit comme Faust, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister mais au moins j'essaye. Le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire. Mais je suis au fond de par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Ces petites notes de piano, c'est Dépassé, c'est Nuit incolore sur France Bleu Héros. Remportez vos places de cinéma avec France Bleu Héros. Au 04 67 58 6000. Et je suis avec Stéphanie, bonjour. Martin. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous êtes à Cazouls-les-Béziers, c'est juste à côté de Béziers. Est-ce que vous n'êtes pas trop sous la pluie, vous, j'espère? Non, ça va, ça s'est amélioré là. D'accord, d'accord. Bon, bah, c'est bien. Mais ça, ouais, ça a plu pas mal ce matin, ça? Oh, écoutez, moi je travaille à Béziers, donc là je rentre, mais non, ça a été. Bon, a été. C'est bien, bah, la vigilance orange, elle est là et on fait tous attention, mais c'est vrai que des fois ça tombe d'un kilomètre sur l'autre, tout change, quoi. C'est vraiment fait, la spécialité de notre département. Voilà. Alors Stéphanie, donc, là, bah, là, je suis sur le voilà. Chemin du retour sur bah France. Oui, bah oui, et pour essayer de, justement de vous faire vous occuper avec ce mauvais temps, on va peut-être vous emmener au cinéma, Stéphanie, ça serait plutôt sympa. Je vous pose la question, le tout nouveau film du réalisateur américain Martin Scorsese sort aujourd'hui au cinéma. Il y a Leonardo DiCaprio notamment dedans. Est-ce qu'il se nomme Killer of the Flower Moon ou est-ce que c'est Taxi Driver?

Tu m'aimes encore, Céline Dion pour les collecteurs de France Bleu Héros. Je crois que vous l'avez tous un peu, hein, ce refrain dans l'oreille. C'était l'histoire de ce morceau mythique. Vous retrouvez tous les épisodes de cette chronique sur francebleu.fr et sur votre téléphone, l'application ICI, ICI. Ce dimanche, 22 octobre au Vigan, c'est la 29e foire de la pomme et de l'oignon parrainée par le lycée professionnel hôtelier Marie Curie de Saint-Jean-du-Gard. 90 producteurs, espaces de restauration, animation gratuite. Venez découvrir la nouvelle récolte de la pomme rainette et de l'oignon doux des Cévennes. Terroir, qualité, convivialité, c'est l'image du pays viganais et c'est ce dimanche au Vigan. Plus d'infos sur cc-paysviganais.fr. Célébrons le commerce de proximité le week-end du 20 et 21 octobre. Venez célébrer nos commerçants de proximité avec ce premier festival des commerçants organisé par Cetaglopôle avec les associations de commerçants et les commerçants. De nombreuses animations réparties sur les communes vous attendent. Braderie, défilé de mode, exposition de peintres, animation culinaire, marché avec des animations, expositions et performances d'artistes, nocturne des commerçants. Participez et consommez local. Tout le programme sur www.aglopole.fr. Du 20 septembre au 22 octobre, France Bleu fait sa tournée des marchés. Retrouvez-nous ce jeudi 19 octobre, au cœur du marché de Lunel. Au menu, des produits locaux de saison et beaucoup de bonne humeur. Et vivez avec nous un défi lancé à notre chef. Cuisiné en direct et uniquement avec des ingrédients achetés sur place. La tournée France Bleu des marchés, toutes les villes, toutes les dates sur francebleu.fr. Retrouvez la tournée des marchés avec Domitis. Plus de 150 résidences services seniors partout en France à découvrir sur domitis.fr. Et on fait un petit point sur le trafic, ça charge un peu, on sent que ça sort un peu du travail là à 17h39. Béziers, donc sur la D612, ces travaux à Maraussan, je vous avais dit que ça bloquait, bah ça y est, ça bloque là, 9 minutes dans les deux sens, dans cette zone de travaux où il y a un ralentissement avec ce passage en deux fois deux voies. À 7 aussi, ralentissement sur la D2, 10 minutes pour passer le pont Sadi Carnot et quitter la ville en direction bah, notamment de Montpellier. Montpellier justement, c'est le rond-point de la Vérune hein, qui se charge, 5 minutes pour le passer, quelle que soit votre direction, Saint-Jean-de-Véda, Juvignac, etc., dans la zone, c'est 5 minutes, c'est le tarif, comme on dit. Et rond-point de près d'Arennes aussi, 7 minutes de blocage en arrivant du centre-ville par le boulevard Jacques Fabre de Morlon. Vos fins de journée meilleur de la musique dans le 16-19 de France Bleu Héros. Il est l'heure de retrouver un classique Village People, YMCA. Vous pouvez faire les signes avec moi. Fait les signes. Bon, si vous êtes au volant, faites pas les signes quand même, parce qu'on veut pas que vous ayez d'accident et qu'après vous veniez vous plaindre à France Bleu Héros. Allez, c'était YMCA The Village People. Le meilleur des sorties, c'est tous les jours sur France Bleu Héros, et je vous donne un peu les conseils pour faire des trucs sympas cette semaine. Et ce week-end, c'est la Japan Matsuri au Parc des Expositions à Montpellier. Voilà cette ambiance japonaise. C'est le festival des cultures traditionnelles et des loisirs ludiques japonais, Japan Matsuri. C'est un événement pour découvrir ou redécouvrir différentes facettes de la culture japonaise, notamment le manga, comme on vient de l'entendre. Pour ceux et celles qui ne sont pas spécialistes, c'est le générique du fameux manga One Piece, qui est un peu un des plus connus. Au programme, animation ludique, espace d'exposants, des concours de déguisement qu'on appelle cosplay, des concours. Vraiment, il y a plein de choses à aller voir. N'hésitez pas à y faire un tour. Les heures d'ouverture, samedi 10h-20h, dimanche 10h-18h. Allez, je vous donne deux autres rendez-vous. Dimanche 22 à 17h, un concert de musique baroque avec le quatuor Una Storia. C'est à Entrevignes, c'est un village près de Lunel, à la salle La Volta, place de la mairie. C'est vraiment

La bonne adresse du jour, elle nous amène du côté d'Agnan, en compagnie de Didier Thomas Radux. Bonjour Didier. Bonjour. Avec un restaurant qui s'appelle Souka. Tout à fait. On va donc à Agnan, qui est un petit village connu pour son terroir particulier, qui en fait une région privilégiée pour faire des grands vins du Languedoc, à l'image du Domas Gassac, du Mas de la Serranne ou de la Grange des Pères, qui sont tous trois sur cette commune. Et donc c'est en partie du fait de la présence de ces vignobles et des vignerons, qui élèvent ces vins assez sublimes, que Philippe et Laurine Ramon ont choisi d'installer leur restaurant à Agnan en 2019, donc voilà maintenant 4 ans. Lui, il a été formé à Mazamet et à Saint-Chély-d'Apcher. Il est passé par de belles maisons comme chez Brasse à l'Aïole, ou de Lauzin à Gignac, et puis la Terrasse du Mimosa à Montpérou. Et il a réussi à créer une cuisine gastronomique inventive, mais accessible, qui a séduit les habitants du nord-ouest de Montpellier et les touristes. Hein. Le jeune couple, puisque lui, il a 34 ans et son épouse 31 ans, travaille le terroir avec des produits qui sont issus des circuits courts, et même très courts, puisqu'ils indiquent sur la carte la distance de chaque producteur, depuis les 500 mètres de leur maraîcher jusqu'aux 62 km de leur raffinant de fromage. D'accord. Et puis, ça approvisionne également au marché de Badagnan, et puis celui de Lodève aussi le samedi, où ils croisent d'autres chefs étoilés qui viennent aussi se fournir là. C'est comment à l'intérieur un petit peu ce restaurant alors ? C'est un petit restaurant avec des tables en bois d'une trentaine de places, mais qui dispose aussi au beau jour d'une très belle terrasse sur la place. D'ailleurs, elle a été encore ouverte la semaine dernière, la terrasse. Et ils font donc un gros travail de sourcing qui permet une belle créativité, une maîtrise technique. Hein. D'ailleurs, le restaurant joue la carte de la découverte en proposant des menus sans carte, avec au déjeuner le choix entre des formules de 2 à 4 services, hein, oui. Ce qui permet de déguster soit une entrée, un plat, c'est dans les 35 euros. C'est cool ça. En 3 avec un dessert, c'est 43 euros. Ou bien 2 entrées, un plat, un dessert, là, c'est 49 euros. Lorsque j'y suis allé, j'ai dégusté une tielle revisitée, ainsi qu'un faux filet de veau du Ségala avec un flan de courgette à l'effiloché de veau, et en dessert, des cornes de gazelle revisitées autour de la mûre. C'était vraiment de la cuisine pointue, hein, avec des saveurs originales et affirmées. Et puis bien sûr, des propositions qui évoluent au gré des produits et des saisons. Ouais. Hein, ça évolue tout le temps. Le soir, les hôtes ont le choix entre un menu en 4 services. Donc, on est sur du plus cossu, si on va dire, à 49 euros, ou bien en 6 services, 65 euros, avec 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. C'est vraiment de la haute cuisine, hein, pointue, mais qui s'est restée proche du terroir pour ne pas déboussoler les clients. Et avec un gros travail sur la qualité des produits. Hein. Philippe, il aime expérimenter et travaille actuellement sur des maturations de longe de thon pour les travailler en accord terre et mer. D'accord, et puis vous l'avez dit tout à l'heure, Agnan, terre de vin. Tout à fait. Alors, le restaurant propose une très belle sélection de vins, hein, avec plus de 400 références où l'on trouve tous les grands mets en Pic Saint-Loup et en Terrasse du Larzac, mais aussi une sélection pointue de vins d'autres régions, dont l'Alsace notamment. Il faut savoir d'ailleurs qu'en journée, ils font caviste également. D'accord. Et puis, à savoir, le restaurant organise aussi actuellement une tombola de vins. Hein. Le principe, c'est que si vous venez au restaurant, pour 45 euros, vous avez droit à une box, vous choisissez, ça sera une box de 2 ou 3 bouteilles de vin. Okay. Vous choisissez, mais parmi ces lots, vous pouvez tomber sur une box qui contiendra une bouteille de Bergerie de l'Arcade. La Bergerie de l'Arcade, c'est le grand domaine qui monte. Hein. Ils ont été formés chez Laurent Vaillet. L'autre bouteille, c'est un Château des Tours Blancs. C'est le second vin de Rayas en Châteauneuf du Pape. Hein. Donc là, il y en a pour plus que 45 euros. Donc c'est vraiment une belle box. Vous avez une chance sur 25, je crois, de tomber dessus. Donc c'est assez rigolo. Et donc, entre l'assiette et les vins, ça fait 2 bonnes raisons de venir découvrir ce restaurant, car c'est pas non plus un secret de dire que les fins de saison sont un peu plus difficiles à Agnan qu'à Montpellier. Là, c'est vrai qu'ils ont un peu besoin de soutien. Et pour faire parler un peu de lui, d'ailleurs, Philippe a fait récemment un dîner à 4 mains avec son condisciple Cyril Garcia du restaurant Anga à Montpellier. Ça s'est passé à Montpellier il y a 15 jours. Ça a bien marché, mais ça montre qu'il faut vraiment jamais lâcher l'affaire et être inventif dans ce métier-là. Souka est un restaurant qui est ouvert du mardi soir au samedi soir. C'est vraiment un endroit que je vous conseille. Je vous redonne l'adresse. C'est 36 boulevard Saint-Jean à Agnan. Bon, il y a peu de chances de se perdre dans Agnan, ceci dit. Merci beaucoup Didier Thomas Radux. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et le carnet d'adresses est à retrouver sur francebleu.fr. MMA, business entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La Nostalvie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalvie. À ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie de Patrick Sébastien, un récit à savourer. Un livre XO. Salon du livre de la Grande Motte, les 21 et 22 octobre. Retrouvez le salon La Grande Motte se livre au Palais des Congrès Jean Balladur. Autour de Bernard Werber, invité d'honneur, plus de 20 auteurs seront présents, dont Jean-François Kahn, Irène Frein et Boris Cyrulnik. Dédicaces, rencontres, spectacles, concerts, expositions. Rendez-vous de 10h à 18h30 les 21 et 22 octobre au Palais des Congrès de La Grande Motte. Entrée libre. Programme complet sur lagrandemotte.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Héros. Et il est 18h sur France Bleu Héros. Une petite indication côté trafic sur l'A750. Vous êtes plusieurs à nous appeler au 04 67 58 6000. Vous nous signalez plusieurs voitures à l'arrêt entre Clermont-l'Hérault et Pézenas dans les deux sens à cause des fortes pluies. Alors prudence si vous arrivez dans cette zone. On va en parler justement des pluies. La météo, Léonie Cornel, alerte orange, pluie, inondation se poursuit encore jusqu'à demain matin. Là où les pluies sont les plus intenses ce soir, c'est du côté de l'Odève et dans l'ouest de l'Hérault. La perturbation se déplace petit à petit vers l'est du département. Les températures pour cette fin de journée, 19 à l'Odève et Montpellier, 20 à Agde, Lunel et Béziers, 21 à 7. Et des orages sont attendus à partir de 20h ce soir. Si vous êtes dans le secteur du Pic Saint-Loup et au nord de Montpellier, le vent souffle fort. L'épisode Cévenol se poursuit encore ce soir et jusqu'à demain matin. La vigilance orange, pluie, inondation concerne aussi le Gard, la Drôme et l'Ardèche. Il est privé d'aviron à cause de son handicap. Un collégien de 14 ans, originaire de Moguio, à l'est de Montpellier. Il est hyperactif et après deux séances d'essais qui se sont bien passées, il a finalement été refusé du club d'aviron de Moguio Carnon. Le club a expliqué aux parents qu'il n'a ni les structures ni l'encadrement nécessaires. Sylvain, le père de l'adolescent, trouve ça incompréhensible. C'est pas un handicap lourd, il s'agit d'un enfant qui est hyperactif. C'est pas non plus quelque chose qui nécessiterait un investissement en matériel ou des aménagements spéciaux. Donc, à part le fait de mettre peut-être un moniteur un petit peu à la disposition de ses enfants, de les surveiller peut-être un petit peu plus, mais juste le temps qu'ils apprennent et qu'ils se lancent, il n'y avait rien qui me semblait insurmontable. Quand on est une association, quand on est un club, d'autant plus un club de sport avec des valeurs du sport, il y a quand même des valeurs d'intégration, de vivre ensemble, de partage. Le sport, c'est pas que des coupes et des médailles, c'est aussi une éducation. J'espère surtout que ce genre de pratiques seront condamnées, qu'elles ne se reproduiront plus, qu'on ne refusera pas d'autres enfants pour les mêmes raisons, parce que mon fils est très mal depuis deux jours, il n'a pas voulu aller au collège, en perte totale de confiance. Donc je veux pas que ça arrive à d'autres enfants, et c'est pour ça que j'ai déposé plainte. Sylvain, le papa de l'adolescent, a d'ailleurs donc porté plainte jeudi dernier pour discrimination. Est-ce qu'habiter près des vignes aggrave le risque de leucémie chez l'enfant ? L'INSERM s'est penché sur la question et la réponse n'est pas si simple. La présence de vignes à moins d'un kilomètre de sa maison ne semble pas être un facteur aggravant en soi. Par contre, la taille de la parcelle compte. Dans cette expertise de l'INSERM publiée aujourd'hui, les chercheurs se sont intéressés à la localisation du domicile de 45 000 jeunes Français de moins de 15 ans, Anne Le Gall. Oui, certains de ces enfants étaient atteints de leucémie et les autres, la très grande majorité, ils étaient plus de 40 000 dans ce cas, n'étaient pas concernés par la maladie. Et en croisant l'adresse de ces enfants avec des données provenant de registres agricoles ainsi que des données satellites sur l'occupation des sols, les scientifiques ont regardé pour chacun de ces enfants si leur habitation se trouvait ou pas à moins d'un kilomètre d'une parcelle de vigne. Ils ont aussi étudié la taille de cette parcelle et leurs travaux apportent cette double conclusion. La simple présence de vignes à moins d'un kilomètre de l'habitation ne semble pas être en soi un facteur de risque de leucémie chez les enfants, mais en revanche, la taille de la parcelle entre en compte. Ces chercheurs ont constaté qu'à chaque fois que la surface de culture augmente de 10%, le risque de leucémie lymphoblastique la plus fréquente chez les enfants augmente aussi de près de 10%. Les scientifiques souhaitent donc poursuivre leurs travaux en élargissant leurs recherches désormais à d'autres cancers et à d'autres types de cultures que les vignes. Les précisions d'Anne Le Gall sont à retrouver en détail sur notre site internet francebleu.fr. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, suggère la mise en place de bornes d'appel d'urgence dans les lycées. Objectif, mieux sécuriser les établissements scolaires. Cette borne sera directement reliée au commissariat et aux gendarmeries. Carole Delga souhaiterait également que les enseignants et professionnels de l'éducation soient davantage formés en cas d'intrusion. Et de 13, Elisabeth Borne dégaine une nouvelle fois le 49-3 sur le volet recettes du projet de loi de finances. La France Insoumise compte déposer une motion de censure. Football, le match Nantes-Montpellier dimanche se fera sans les supporters montpelliérains. Ils ne sont pas les bienvenus au stade de la Beaujoire à Nantes à cause de conflits récurrents entre les fans du FC Nantes et ceux du MHSC. Les dernières heures datent du mois de mai à Nantes. Des ultras montpelliérains avaient emmené des battes de baseball et des bâtons pour en découdre avec les Nantais. En représailles, les ultras nantais avaient tenté de se venger en attaquant leur bus à l'arrivée du stade. Handball, le Montpellier Handball joue au Danemark ce soir face au club de GOG. Cinquième journée de Ligue des Champions. Les Danois sont quatrième du classement, les Montpelliérains sixième. La météo 100% locale avec l'aéroport de Montpellier Méditerranée. Des destinations françaises, européennes et méditerranéennes à découvrir. Informations sur www.montpellier.aéroport.fr. Martin Baudrero pour la météo. On rappelle cette vigilance orange, pluie, inondation maintenue dans l'Hérault jusqu'à demain 6h. Effectivement, Léonie, la cause, c'est des nuages et beaucoup de pluie un peu partout, en particulier sur les Hauts-Cantons et dans l'ouest du département autour de l'Audève et de Clermont-l'Hérault en ce moment même. Dans la soirée, des orages peuvent aussi éclater un peu partout sur le département. Le vent souffle, lui aussi, que ce soit à Montpellier, un peu partout, mais notamment à Lunel où ça peut atteindre 55 km/h au niveau des rafales. Les températures pour cette fin de journée, 19 à l'Audève et Montpellier, 20 à Agde, Lunel et Béziers, 21 à 7. Et je vous fais un petit point sur le trafic. Sur l'A750, on voit que c'est très orange au niveau de Clermont-l'Hérault sur mon écran. C'est parce qu'il pleut. Il pleut, beaucoup de voitures sont garées sur le bas-côté. Alors faites attention quand vous arrivez sur cette zone, que vous alliez vers Pézenas ou vers l'Audève, dans les deux sens. Ça roule au pas, voire même à l'arrêt. À Montpellier, c'est plutôt du côté, dans le nord de Montpellier, du côté du quartier de la Paillade, l'avenue de l'Europe. 10 minutes pour vous diriger vers le nord de l'agglomération. Le 16-19 de France Bleu Héros. Le 16-19 de France Bleu Héros. Martin Baudrero. Et pour ne rien rater des événements culturels à venir dans notre département, vous êtes en bon endroit, vous êtes avec moi jusqu'à 19h. Dans quelques instants, on sera avec Salia Sanou, le chorégraphe roi du coupé décalé. Il organisait samedi un dernier bal maquis, place de la comédie. Il va nous raconter ce moment qu'il a vécu avec les Montpelliérains et Montpelliéraines. On va parler aussi slam avec Sylvain, lui il est membre du groupe Velu et il organise demain une scène ouverte slam à Gignac au café associatif aux 4 saisons. Après 18h30, on va jouer ensemble, vous nous appelez à notre standard 04 67 58 6000. Je vous offre des places pour le festival Cinémed. On en parlait tout à l'heure. Il démarre ce vendredi à Montpellier. Une semaine de plein de projections à voir. Nous, on vous offre des places pour une en particulier avec Ahmed Silla. On vous donne aussi des trucs et astuces pour maîtriser vos outils numériques. On vous fait découvrir des artistes d'ici. Je crois qu'il n'y a pas de quoi se plaindre. Bon début de soirée sur The France Bleu Héros. Le 16-19 de France Bleu Héros. Le 16-19 de France Bleu Héros. Ici, on ne parle que de chez nous. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Levée sans réveil, avec le soleil, sans bruit, sans angoisse, la journée se passe, repasse ses poussières. Il y a toujours à faire, repas solitaire, en point de repère. La maison si nette, qu'elle en est suspecte, comme tous ces endroits où l'on ne vit pas. Les êtres ont cédé, perdu la bagarre, les choses ont gagné, c'est leur territoire. Le temps qui nous casse ne la change pas, les vivants se fanent. Mais les ombres pas, tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi. D'hiver en automne, ni fièvre, ni froid. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration. Ça fait bien loin que personne la touche. Des mois, des années, sans personne à aimer. Et jour après jour, l'oubli de l'amour. Ses rêves et désirs, si sages et consignes. Sans cri, sans délire, sans inadmissible. Sur 10 ou 20 pages de photos banales. Bilan sans mystère, d'années sans lumière. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse un scandale, la vie des autres. Je pense, c'est Jean-Jacques Goldman, La vie par procuration sur France Bleu Héros. France Bleu Héros soutient la candidature de Montpellier, capitale de la culture européenne. Montpellier 2028, c'est possible. Et ce soutien à la candidature de Montpellier pour devenir capitale européenne de la culture, c'est aussi en mettant à l'honneur les événements qui sont organisés pour soutenir ce projet. Parmi eux, il y a eu récemment la Biennale Euro-Africa, c'était du 9 au 15 octobre à Montpellier et dans l'agglomération. On a pu vivre des rencontres, des spectacles, des ateliers aussi qui ont fait se rencontrer artistes européens et africains. Et parmi eux, il y avait le chorégraphe Sali Hassanou. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous êtes, je crois que vous êtes à la gare de Lyon. Merci de prendre le temps. Exactement. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, je raconte, hein, le samedi dernier, vous étiez accompagné de 3 musiciens. Vous avez fait danser la place de la Comédie pendant plus d'une heure. Plus d'une centaine de personnes vous ont accompagné pour un bal maki. Alors, peut-être on peut commencer simplement. Qu'est-ce que c'est un bal maki, Sali Hassanou ? Alors, un bal maki, c'est ce moment de rencontre, de partage. Moi, je viens du Burkina Faso, de Ouagadougou, la capitale du Burkina, et à la fin des journées, à la descente du boulot, des services, les gens se retrouvent dans ces restaurants avec de la musique live, ces bars, restaurants à ciel ouvert, et où on partage un verre, on mange un bout, et puis la musique est présente et on invite le voisin d'à côté et on danse ensemble, on partage la danse. Donc du coup, dans le cadre de cette biennale Euro-Afrique, qui est une magnifique initiative de Montpellier Danse, voilà, j'ai proposé ce bal maki pour partager cette idée là de la rencontre, du partage. Et pour moi, c'était vraiment important, surtout dans le contexte actuel de violence, d'extrême violence partout. Et oui, partager la danse, voir le sourire des gens présents, c'était quelque chose d'important pour moi. J'allais en parler, hein, sur quelques vidéos qui ont été faites à ce moment-là avec des téléphones. On voit un peu des enfants, des gens danser, des familles. Comment ça a été ce moment pour vous, ce partage que vous avez eu avec les Montpelliérains et Montpelliéraines ? Oui, le Montpellier, le public a répondu présent, et surtout le plus important pour moi, c'est de tous les âges, qu'on soit petit, jeune, âgé, on se rencontre là, on partage la danse, et j'ai senti ce bonheur lire, j'ai vraiment lu voilà, sur les visages, ce bonheur d'être ensemble et de partager une danse et de faire communauté. Et pour moi, ça c'est important. Oui. Et Salia Sanou, vous nous avez dit que cet événement, c'est dans le cadre de la première édition de cette biennale Euro-Africa qui mélangeait des conférences, plein de choses, des rencontres entre ces deux continents, l'Europe et l'Afrique. Quelle importance ça a eu pour vous de participer à ces rencontres ? Oui, l'idée de cette biennale remonte du sommet Afrique-France qui a eu lieu en 2021. Mm-hmm. Et revenir tous les deux ans sur cette idée de la rencontre entre les populations des deux côtés, de l'Afrique et l'Europe. Moi, je pense que on a besoin de ce moment. De ce moment-là, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on fait la mine grise, on dit à l'autre, va-t'en, on veut pas voir l'autre, voilà. Donc, pour moi, c'est important que la société civile, des deux, du côté de l'Afrique, du côté de l'Europe, Montpellier, et voilà, qu'il y a cette belle initiative qui rassemble, et qu'on a tellement culturellement des valeurs à partager ensemble, à partager. Je me dis, voilà, cette biennale porte pour moi une marque d'une nouvelle façon de procéder, une nouvelle façon d'être avec l'autre, une autre façon d'accepter l'autre. Le message, c'est de dire que la culture fait ce lien qui est des fois difficile entre l'Europe et l'Afrique. Elle, on tend la main. Tout à fait. Tout à fait. La culture, c'est vraiment ce trait d'union. Et moi, j'aime un peu provoquer où la diplomatie, les questions diplomatiques, militaires ont quand même montré leurs limites. Mm-hmm. Je me dis, la culture est là, quoi, pour faire ce trait d'union, pour rassembler, pour bâtir d'autres imaginaires comme le duo Montpellier dans sa candidature culturelle pour l'Europe. Eh ben, merci beaucoup, Salia Sanou, de nous avoir raconté cette rencontre avec le public de Montpellier. Si on n'a pas pu vous voir, on vous retrouve bientôt dans notre département, là? Vous venez nous voir bientôt? Oui, la compagnie est installée à Montpellier et on a beaucoup de projets dans le département, dans la commune, que ce soit des spectacles pour jeunes publics, dans des écoles, que ce soit aussi des ateliers, dans des clubs de boxe, danse, boxe, sport, culture. Voilà, on est vraiment sur tous les fronts avec cette idée toujours de mettre la rencontre, le partage au cœur de nos activités. Et voilà, vous pouvez aller voir ça, c'est la compagnie Mouvement Perpétuel. Merci beaucoup, Salia Sanou, de nous avoir raconté tout ça. Cette biennale Euro-Africa est la candidature de Montpellier pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. On va écouter Stromae, Papa Outé. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi?